L'AIFM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono. Et en direct de Fly FM, bien sûr c'est Top Chrono et on va tout de suite rejoindre toute l'équipe des sports qui se trouve actuellement du côté de Bulle-et-Baronnie. Salut les gars! Bonsoir et bienvenue bien sûr du côté de Bulle-et-Baronnie ce soir. Et bien on est parti sur de nos studios. On s'est écarté un petit peu dans la Drôme provençale dans ce beau décor qui est Bulle-et-Baronnie. On est venu ici faire cette émission de sport, un top chrono dégriffé. On va dire que ce sera ce soir le thème l'athlétisme. On va y venir en plein dedans avec Jean-Pierre Bouys qui est avec nous. On va déjà le présenter. Bonsoir Jean-Pierre. Bonjour Fred. Avec moi, bien sûr, il est venu mon acolyte Jean-Yves qui est juste à côté. On va le retrouver dans quelques minutes pour parler de rugby à 13. Comment tu vas, Jean-Yves ? Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais très très bien, Fred. Alors, on a un petit peu le micro qui nous fait défaut, mais c'est pas grave. Le Gilou est avec nous ce soir, mais lui, il est en train de sortir la caisse à outils. Il va essayer de réparer tout en direct avec le soleil un petit peu couchant sur Bulle-et-Baronnie et qui nous en rappelle que l'été va pas tarder puisque c'est déjà le printemps depuis. On va dire que l'horaire a changé depuis dimanche, on est passé à l'heure d'été et c'est vrai qu'on a, on va dire, avec nous la chance d'avoir ce soleil. On retrouvera dans quelques minutes Yémoni avec nous. On recevra aussi Bardet, la championne. Christine Bardel, pour encore une fois, parce qu'on en est avec le technicien qui est avec nous. Eh bien écoutez, on va démarrer cette émission tambour battant. On va parler un petit peu du sommaire qui nous attend dans cette émission. On retrouvera bien sûr Henri qui viendra à nos côtés et on retrouvera bien sûr Pipi Bougon qui devrait venir très rapidement s'il a enfin retrouvé le GPS, parce que bien souvent on se retrouve du côté de Bulle-et-Baronnie, mais ça sera dans le nord, mon cher François. Comment toi tu vas du côté du studio? Salut, j'espère qu'il fait beau temps du côté de Bulle-et-Baronnie. En tout cas ici, un temps magnifique. Tu le disais, on est passé l'heure d'été, ben c'est génial. Parce qu'attention, Bulle-et-Baronnie, c'est aussi culinairement et surtout les senteurs hein, dans l'été, hein, dans la tisane. Ici, il paraît que c'est la capitale mondiale du tilleul. Est-ce que c'est vrai là? Bien sûr, capitale mondiale du tilleul. On est aussi capitale des olives et puis capitale des sports pleine nature, puisqu'on est juste en bas du voilà. Saint-Julien, qui est la plus grande via ferrata du monde, d'Europe, pardon. Voilà, Jean-Pierre a très bien fait de me reprendre parce que j'allais presque oublier que ici le sport est roi et la preuve c'est avec cette Via Ferrata, la plus grande d'Europe. Eh bien, vous pouvez venir vous initier du côté des Bulle-et-Baronnie, on vous fera connaître bien sûr cette ville tout au long de la soirée. Revenons au sommaire de notre émission au rugby à 13, on va revenir sur le SOA qui a trébuché à domicile et on verra tous les résultats avec Jean-Yves et en savoir un petit peu ce qui s'est passé, mais peut-être que l'ogre du Saint-Ruf était trop fort pour cette équipe du SO1. On verra ça dans quelques minutes. Football, les résultats dans quelques minutes avec Henri qui viendra nous rejoindre. On parlera aux alentours de 19h à 19h15 tout ce qui s'est passé. On parlera bien sûr d'Ognon, c'est qui a du mal dans la PHA à essayer de survivre. On verra ce qu'il en est avec Henri. Il y aura bien sûr le magazine Horizon aux alentours de 19h15 avec Marie. Basketball, le SAP trébuche à domicile et les chances de rester en National 1 pourraient disparaître dès le week-end prochain. Nous verrons en détail avec Jean-Yves ce qu'il en est de ses résultats et de ses faits marquants du basketball en National 1, de ce SAP d'Avignon. En animal féminin, c'est les féminines de Mazan en National 3 qui restent, on va dire, à l'apogée de ce qu'ils font puisqu'ils ont gagné avec une large victoire dans leur salle ce week-end et on verra bien sûr tous les résultats. On lance un petit mot à Carl Vinsonon. Ce soir, on ne l'aura pas au téléphone, mais on le félicite pour cette belle victoire, puisque le veulent monter en National 2. Et elles sont en train de prendre le train et même les poudres escampettes au classement général pour finir dans les deux premières et synonyme de, on va dire, phase qualificative pour essayer de monter en National 2 en athlétisme. Le Tour des Remparts avec nous, Jean-Pierre Bouys, qui reviendra sur ce Tour des Remparts avec Bibi Bougon. On parlera aussi avec Bardet de sa belle victoire, peut-être, je sais pas, Jean-Pierre viendra me dire, elle n'avait pas été très contente de son résultat, puisqu'elle a mis 34 minutes 52 secondes. Il faut quand même dire qu'elle a terminé 7e au milieu des messieurs, quand même. Hein. Oh, c'est énorme. 7e, hein, dans la course, 7e dans la course. Et on est très heureux parce que ce soir, c'est elle qui nous accueille dans son restaurant. On est aussi Les cigales, il fallait quand même le signaler. Et ça sera notre grand focus ce soir. On va parler bien sûr de tout ce qu'il en est de ce beau village. On parlera d'athlétisme, on aura les grands champions avec nous, on aura cette championne qui viendra nous parler de son palmarès et de ce qu'elle est toujours, parce qu'elle chausse toujours les baskets, et on vient de le voir avec ce temps canon pour le Tour des Remparts. Elle te connaît le côté aussi de ce Tour des Remparts qui est atypique avec les pavés, hein, le secteur pavé qui est toujours là au programme. Et bien, je peux vous assurer que le résultat est encore énorme, et nous verrons bien sûr que Serguigny reste le grand roi de ce Tour des Remparts 2017. Voilà, on a parlé du sommaire, on va passer au fait des résultats. Top chrono, rugby à 13. Ouais, je crois que François, voilà, on va juste prendre deux minutes parce qu'on est en direct. Oui, allez-y, c'est à vous, rugby à 13. Ah d'accord, allez, rugby à 13. Allez, François, juste avant de démarrer la suite du résultat, on aimerait juste entendre s'il est possible en retour le jingle chaque fois qu'on mais il est passé, il est passé. Ouais, d'accord, mais nous, on n'a pas eu de retour. On y va. On va avant de parler des championnats d'élite 1 et d'élite 2, on va vite faire un petit focus sur le rugby à 13 fauteuil avec Guillaume Motz qui est le capitaine de l'équipe, le capitaine emblématique de l'équipe du SOA fauteuil, et qui réalise une excellente saison cette année. On voulait faire un petit focus avec Guillaume qu'on a au téléphone. Guillaume. Oui, bonjour. Guillaume, tu nous entends? Oui, vous entendez. Bien, ouais, très bien. Oui, ben on n'entend pas, nous, on n'a pas le retour de Guillaume. Est-ce que tu peux nous le mettre, François? Ben, voilà, peut-être là. Allez-y, voir. Guillaume. Oui, oui. Guillaume, est-ce qu'on a... Il vous entend, hein. Ouais, oui, mais le problème, c'est que nous, on n'entend pas. Ah, mince. Ouais, c'est ça. Allez, on va passer sur l'élite 1 et l'élite 2, et puis on reviendra à François si... tu nous trouves une solution pour qu'on puisse entendre Guillaume, peut-être un retour de Guillaume. Attends, on va passer sur l'élite 1 où le SOA recevait Carcassonne dans un match qui était hyper important pour la qualification dans les quatre premiers. On sait que les Avignonnais sont qualifiés pour les phases finales du championnat de France d'élite 1, mais il était important d'essayer de rentrer dans les quatre premiers. Carcassonne, qui arrivait sur le stade de Saint-Ruf, avait la possibilité de perdre ce match, le SOA avait la possibilité de remporter ce match et de passer au classement devant Carcassonne. Malheureusement, il n'y en a rien été, puisque le SOA s'est incliné sur sa pelouse sur le score de 15 à 16. Alors Jean-Yves, revoilons un petit peu cette partie, le SOA qui Le SOA a perdu à domicile, déjà parce qu'ils ont manqué un petit peu de lucidité. En première mi-temps, Fred, ils ont plusieurs fois l'occasion de scorer, ils ne scorent pas. Carcassonne, par contre, a fait un match tout ce qu'il y a de plus sérieux, mais sans vraiment emballer, sans vraiment produire grand-chose. Et puis, à la dernière minute, un ballon qui arrive dans les mains d'un Carcassonnais, qui marque un petit peu contre le cours du jeu à ce moment-là, Fred, mais manque de peau, et bien voilà, cet essai qui permet au Carcassonnais de revenir et même de passer devant avec la transformation. C'est dommage parce que, encore une fois, les Avignonnais ont fait un beau match. Il y a eu par contre un fait, tu sais Fred, d'habitude, j'aime pas parler de ça, mais là, il faut en parler. L'arbitrage de Drisa, qui a été juste scandaleux. Il y a eu plusieurs décisions qui ont été bizarroïdes. On a vu à un moment sur une bagarre générale où Drisa sort deux Avignonnais et ne sort qu'un seul Carcassonnais. Voilà, il a beaucoup compté aussi dans la défaite des Avignonnais. Alors bien sûr, il n'est pas le seul responsable, mais dans un match aussi serré et aussi équilibré, juste pour ça peut faire la différence. Ouais, juste pour tout couper un petit peu quand même, pour rappeler l'effet marquant aussi de cette rencontre, c'est quand même il y a pas mal d'Avignonnais qui ont quitté le SOA, sont allés à Carcassonne. Alors quand on revient un peu sur ces terres, ouais, on avait envie de faire plaisir, de gagner. Il y avait notamment un Vaucluisien qui joue à Carcassonne, le jeune Souberas, qui a fait un énorme match, puisque le jeune Souberas, dont le père avait joué jadis pour Le Ponté et Carpentras, le jeune Souberas jouait à l'aile. Il a été Clément Souberas, me semble-t-il. Il a juste été exceptionnel. Il a fait un énorme match. Il a marqué un essai. Voilà, il a fait un gros match. Et puis c'est pas le Guillaume, enfin, Clément qui gagne ce match tout seul. C'est simplement le SOA qui a pas su concrétiser au moment où il fallait le faire. Olivier Arnaud, le capitaine, manque une transformation en coin qui aurait pu permettre au SOA de passer. Voilà. la défaite 15-16, même si elle peut paraître courte et belle, eh bien, c'est pas une belle défaite puisqu'elle elle relègue le SOA à la 5e place. Les autres résultats de la journée, oui. C'est Albi qui est allé battre, qui a battu Toulouse 32-20 sur son terrain. Limoux qui a atomisé la réserve des Dragons catalans sur le score de 50-22. Avignon-Carcassonne, on l'a dit, les Carcassonnais se sont imposés à Saint-Ruf. Villeneuve qui a défait Palau sur le score de 30-10. Et puis le carton du jour, c'est Lézignan qui a pulvérisé Saint-Gaudens sur le score de 72-26. Au classement, on retrouve aujourd'hui Lézignan 43 points, Limoux 42 points, Carcassonne 3e avec 36 points. Le 13 catalan 4e avec 34 points. Malheureusement, les Avignonnais qui sont 5e avec 33 points. Les Avignonnais qui se rendront la semaine prochaine à Saint-Gaudens, me semble-t-il. Voilà pour ce rugby à 13, Elite 2, alors on va voir. Ouais. Je crois qu'on avait Guillaume peut-être. Guillaume au moins au téléphone, alors, Guillaume est là. Guillaume Oui, François. Non, ça va pas fonctionner. On peut pas. Oui, vous pouvez l'avoir en retour tunnaire si c'était possible. Le retour tunnaire est à l'intérieur de l'établissement. François, nous on n'a pas de retour. Par contre, François, de l'émission là. Voilà, on est en direct bien sûr depuis les Baronnies. C'est pour ça qu'un petit ces petits soucis techniques. Mais écoutez, alors, attends, on est dans la capitale du Tillet. On a peut-être la solution. On est très reposé. Attends, j'arrive. Juste deux minutes. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît, gentiment, François? Est-ce qu'on pourra avoir le même retour? Est-ce que Guillaume Motz nous entend parler là? Bonsoir Guillaume. Oui, j'entends. Oui, oui, il vous entend. Il vous entend, oui. Laisse-le. Est-ce qu'il peut s'exprimer? Bien sûr. Bonsoir Guillaume. Bonsoir oui, Guillaume. Non, on n'entend pas. Le problème, c'est qu'on n'entend pas. Le problème, c'est que. Il vous faut un retour tunnel. Oui, exactement. Non. Est-ce que dans la table de mixage, il n'y a pas ce retour insert, François? Non. On est en direct, hein, c'est pour ça qu'on fait des questions techniques. Hein. On va peut-être, Guillaume, je suis désolé de ne pas pouvoir communiquer avec toi ce soir. On essaiera de te rappeler la semaine prochaine. Guillaume, vraiment, désolé, on est en déplacement ce soir et on va passer à l'élite 2 et on essaiera de rappeler Guillaume un petit peu plus tard, Fred. Ouais, c'est pas grave. On va passer à l'élite 2. Ouais, restons dans le rugby à 13. Ouais, et tant pis pour ces petits problèmes, ces petits soucis techniques. Mais écoutez, on est tellement décontractés. C'est un plaisir énorme d'avoir Jean-Pierre Bouys avec nous ce soir. Que bon, écoutez, on nous pardonnera tout l'antenne. On continue. En élite 2, il y avait aussi une journée. C'était une journée où les Carpentraciens recevaient l'Escure. Les Carpentraciens qui ont battu. Les Carpentraciens qui ont battu l'Escure sur le score de 28-6. Les Entrégois, eux, par contre, se rendaient à Ville-Gaillenc. Ils ont été malheureusement défaits à Ville-Gaillenc sur le score de 34-12. Ce qui aujourd'hui nous donne les Carpentraciens 4e au classement de cette élite 2. Les Entrégois, par contre, sont eux 6e avec 26 points. Ce classement est important parce que la prochaine journée opposera les Carpentraciens avec aux Entrégois. Les Entrégois qui recevront les Carpentraciens. Ça promet un match intéressant pour la qualification pour les playoffs. En fait. Voilà, alors on va sauter bien sûr sur rugby à 13 pour François, le rugby à 15. Top chrono, rugby à 15. Rugby à 15, revenons en détail bien sûr sur les matchs qu'il y avait en retard. En fédéral 2 pour le 4, il y avait Saint-Jean-Royan qui recevait Saint-Raphaël. Bien sûr, on suivait cette rencontre au plus haut point, même si on sait qu'aujourd'hui la SBC finira peut-être 5e, peut-être 4e. Il faudra attendre la dernière journée de championnat pour pouvoir peut-être y voir plus clair, savoir si Bédaride, Châteauneuf-du-Pape se qualifiait. Et bien irait du côté de Nice, si Nice passait 5e, et si la SBC repassait 4e, et bien Nice finirait 5e. Il faudra attendre la dernière journée de championnat qui nous en dira beaucoup plus long sur ce qu'on peut attendre pour ces phases qualificatives, Jean-Yves. Ouais, tu l'as bien dit, Fred. Les Niçois et les Bédaridés sont au coude à coude au classement. Les deux ont 15 matchs et 39 points. Le week-end prochain, Nice recevra Château-Renard. il y a quand même de grandes chances que les Niçois s'imposent face à Château-Renard. On espère que les Château-Renardais vont jouer le coup à fond en essayant d'empêcher les Niçois de scorer un point de bonus qui permettrait aux Bédaridés, si les Bédaridés l'emportaient face à Voiron la semaine prochaine, avec le bonus qui permettrait aux Bédaridés de repasser devant les Niçois. Ça donnerait, comme tu l'as dit, une première journée des playoffs assez intéressante, puisque les Niçois et les Château-Renards et les Bédaridés se retrouveraient pour le premier tour des playoffs. Quand on connaît l'animosité et les contentieux qu'il y a entre ces deux équipes, ça nous promet un beau premier tour. Voilà, on va donner un petit peu les résultats à la volée avec je ne m'entends plus. Non plus. Bon repère en ronde 15. Il y avait un match en retard de la poule 9 en fédéral 3. Victoire de ronde 15, 26 à 19. En poule 10, il y avait deux matchs en retard. On les donne pour les résultats. Vambre recevait Bastia. Et puis ils ont gagné 50 à 7, tandis que Valgapo en a fait de même à Trébuchet, pardon, excusez-moi, face à Aix-Université, 30 à 22. Et bien sûr, la Valette est premier dans cette poule 10 en championnat PACA. Il y avait carrément une journée de championnat, puisque l'USAS recevait Monteux. Ils ont gagné 28 à 3. Tandis que Saint-Saturnin recevait le RC Draguignan. Ils ont gagné de justesse 21 à 19. Tandis que Fos-sur-Mer en a fait de même face à Sisteron, 14 à 10. Et Monaco a trébuché face au Morillon, 26 à 24. Et Saint-Laurentin a disposé de Valréas, 47 à 16. Et Saint-Laurent-de-Provence en a fait de même face au Bossé, 47 à 17. Premier Uzès, deuxième Saint-Saturnin. Et Monteux qui recule à la quatrième place dans ce championnat honneur PACA, Jean-Yves. Ouais, c'est Saint-Saturnin qui fait une belle fin de championnat, en fait, puisque il faut se rappeler qu'il y a encore quelques journées, les joueurs de Saint-Sa étaient un petit peu à l'agonie au classement. Ils avaient du mal à s'imposer. Ils ont été frappés d'une grosse amende financière et ils ont été dans l'obligation d'aller jouer quelques matchs à l'extérieur, en tout cas sur terrain neutre. On a l'impression que cette mauvaise série a permis aux joueurs de Saint-Sa de se remobiliser et de se remettre vraiment en ordre de marche, puisque depuis, ils n'ont quasiment pas perdu dans ce championnat d'honneur. Et ça permet à cette équipe de Saint-Sa de pointer aujourd'hui à la seconde place derrière Uzès, avec... En attendant que la liaison revienne, on va se faire une courte petite pause musicale et on reviendra de suite après. À tout de suite. Just to say your name, we feel like love.